Dormez, chers petits santons, dans votre boîte en carton. Noël, Noël, Noël, Noël. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Une étable et son logement, un peu de paille et sa couchette. Une étable et son logement, pour un Dieu, quel abaissement. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Partez, ô roi de l'Orient, venez vous unir à nos fêtes. Partez, ô roi de l'Orient, venez adorer cet enfant. Régnez sur nous entièrement. Il est né le divin enfant, jouir au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons. Well, we heard Tino Rossi in Noël des Petits Santons, and Il est né le petit enfant. The first one deals with the Santons and tells a story of how the Santons, of course, are the little figurines that are built up or that are shown in Provence. As accompaniment of the crèche, of the displays of the manger, and they have enormous numbers. A good presentation of Santons has at least 20, 30, maybe even more of little figurines. So he sings about how they behave, how they try to adore the young Christ child. And then at the end he says, well, now Christmas is over, and now you're going to be put into storage. We'll put soft paper around you and cotton balls so that you don't get hurt. So, and then they are gone for a year. There they don't believe in letting things standing till Easter. So, Christmas stuff. So, and the next one, of course, is Il est né le petit enfant, this is a melody that is so common, so well known in both in English and other languages. I don't need to say much more. Il est né le petit enfant, the child, Christ child, is born. And Tino Rossi is really puts his heart into singing these Christmas songs. So, bon, merci. Oh, est-ce que tu peux parler un peu sur la semaine prochaine s'ils ont manqué l'émission sur All is Calm? I wanted to mention that too. If you happen to miss last week's show, it was really an excellent one, and it's on, kept in the archives. Yes, so basically we had an interview with the curator of the Military Museum of Minnesota in Fort in Camp Riley, and the presentation, of course, now is the actual theater presentation of All Is Calm is past now, but the presentation where the theater was stunning. It was extremely touching, and it's quite different. It looked at the Christmas truce of 1914. It looked at that from the more or less from the point of the British, because probably there was more material from which parts of the play or of the presentation could be drawn from English archives than from the others. But basically, it depicts mostly the the goings on of Christmas Eve in 1914 on the Western Front. And how the common soldiers of the three combating forces, British, Scottish, German, French, how they decided to just go ahead and at least first of all have a truce for Christmas Eve, and then as time went on, they decided this was actually a pretty good idea. Not only a good idea, also a little bit sad. They agreed then to bury their dead that were lying in no man's land, which was the area between the two trenches. And obviously under war conditions, you couldn't even get out to even try to accommodate or to try to serve these people and give them a actual burial. So they did this, and then fraternization took over until the generals, of course, found out. And then all things broke loose, and they were severely reprimanded, but they couldn't make, they didn't want to make it a big splash. They didn't want to make it a big deal, because they were afraid that if it came out that these people, that these soldiers had fraternized, then you couldn't maintain the, on either side, on all sides, then you couldn't maintain the propaganda of how bad they were, what kind of devils they were. I mean, that took place on both sides. Christmas Eve truce. So the Cantus was absolutely amazing. It's just a gorgeous performance. But what I wanted to tell our listeners again is that we had Doug Becky, who is the curator of the Military Museum at Fort Ripley, and he did an absolutely wonderful job telling us. He himself has been there many times to visit the scenes in France and Belgium where the wars took place and where they are still, the farmers are digging up grenades and shells. So if you'd like to listen to this interview, and it's well worth it, that's go online to www.kfai.org and go to archives and cherish and look for the 18th of December program of Bonjour Minnesota. Yes, and I think you click the date, yes, and then you see the entire production for that day, and then you just go down to Bonjour, yes, Minnesota, and click on that,

descendra plus jamais chez moi. Adore him, Christ the Lord. Well, you heard les jeunes chanteurs d'Acadie, the young singers from Acadia. They are actually a group that is led by Sister Loretta Gala, and they come from Moncton, New Brunswick. So these were very nice, fresh voices for Christmas songs. The first one, less known, I mean, Noël France, compte-toi. So, Christmas in France compte. The second one came in between was Jésus Bambino, actually more Italian, but it was sung mostly in English. And then the last one, of course, Les Anges de nos Campagnes, Angels from Up High. And I mean, we know the text, we know what all this is about, but this is a very nice, fresh group from young voices from a Canadian province. Oui, cependant, c'était un LP, donc ça date de quelques années. Oui, mais les voix sont encore restes. Oui, c'est une très bonne chorale. Oui, c'est une très bonne chorale, oui. Eh bien, la prochaine qu'on va écouter, c'est Enrico Macias. Souviens-toi des Noëls de là-bas. Il s'appelle en réalité Gaston Granassi. Il est en réalité, c'est son vrai nom. On l'appelle aussi le pied noir de la chanson. Et c'est bien connu comme chanteur. Il a beaucoup fait pour la chanson française. Il va être suivi par Patrick Verbic, Mon beau sapin. Souviens-toi des Noëls de là-bas, toi ce soir qui est loin comme moi, loin de notre pays, brûlé par le soleil. Je suis triste ce soir, loin de tout, j'ai envie de pleurer, je l'avoue. Chant ici, heureux, chante Noël. Que sont-ils devenus ce soir, mes amis d'autrefois? Qui sait, le monde est bien trop grand sans eux, bien trop grand. Peut-être bien qu'un jour, enfin, nous nous retrouverons, qui sait, pour fêter à nouveau Noël, l'an prochain. Souviens-toi des Noëls de là-bas, ils sonnaient tant d'amour, tant de joie. Il brûlait dans nos cœurs ce feu qui s'est éteint. Souviens-toi des Noëls de là-bas de chez nous. Il sonnait, il chantait tant d'amour, tant d'espoir et de joie. Il brûlait comme un feu dans nos cœurs. Souviens-toi de Noël de chez nous, de Noël de là-bas.

All right. So the song you heard before the announcement was Enrico Macias, Far From Souviens-toi des Noëls de là-bas. Remember the Christmases over there or back there. And basically what he sings about is a Christmas. He tries to remember Christmases far from where he now is now, where the landscape was parched by the sun. And he sings, he's sad, he's almost crying. And he sings about his friends. Maybe one day we'll again be able to celebrate Christmas là-bas in far away. And Enrico Macias actually is also sometimes called the pied noir of the French chanson. And a pied noir was, these were Frenchmen born in Algeria and who then more or less had to leave after 60, when Algeria gained its independence. They were given the choice either of going back to the metropole or to stay, and most of them actually left. So pied noir is an expression for those Frenchmen who were born, some of them several generations, at the end of several generations of residence in Algeria. And so his song, obviously, if he is a pied noir, deals with the Christmases they had back then in Algiers or in Algeria. Moi, j'aimais le rythme. C'était yes. Très olé olé. Yes, he is known, his other songs are in the same kind of lively style. D'accord. Yes. So then after the announcement, you heard two versions of Mon Beau Sapin, O Tannenbaum, in other words, or Christmas Tree. And the first one was was an instrumental, but kind of rendered in ways that you had to listen hard to from time to time, pick up the melody of O Tannenbaum, O Christmas Tree. And the second one, this was sung by, or the first one was by Patrick Verbiet, and the second one was by Simon and the Modane, a group of singers. And what he sings about, of course, is he uses some of the words of Le Beau Sapin and the Christmas Tree, but then he goes into all kind of diversions. I mean, he sings about the well-decorated tree, and it doesn't lose its needles, and it was his mother who actually put it up. So here is a whole elaboration on the Christmas tree and O Tannenbaum, which you probably don't hear that much. At least you don't hear it in the when things are going well from all the corners and all the department stores and everything like this. This is a version, these are two versions that I'm sure you haven't heard. So that's what KFAI is about, to, from time to time. Est-ce qu'on dit Dieu merci? Non, on dit... Non, comme ça, au moins, on entend d'autres choses que, la, oui, voilà, que les chansons courantes, oui, c'est qui, ça. Qui commencent à devenir, ou taper sur le système. OK, donc, that was Simon et les Modanas. Bon, alors... Maintenant, on va écouter. C'est Claude François. Claude François va vous chanter En Revant à Noël. Alors, Claude François, je ne sais pas si les jeunes le connaissaient, mais il était d'une popularité extrême. Il était vraiment le numéro un, les chanteurs des années 60-70. Il va vous chanter, comme j'ai dit, En Revant à Noël. Quand j'étais triste en me réveillant, moi je me consolais en rêvant à Noël. À Noël. Faire sa toilette quand on a 8 ans, c'est dur mais je dois peser en rêvant qu'à Noël. À Noël. Je mangerai des gâteaux, j'aurai de beaux cadeaux, des automécaniques et un train électrique à Noël. À l'école pendant le latin, je rêvais à ce que je ferais bien à Noël. À Noël. En mangeant ma soupe, je me disais, c'est pas drôle, mais je me rattraperai à Noël. À Noël. Je mange des gâteaux, j'aurai de beaux cadeaux, des automécaniques et un train électrique à Noël. Je mangerai des gâteaux, j'aurai de beaux cadeaux, des automécaniques et un train électrique à Noël. À la cuisine, je faisais mes devoirs tous les soirs sans faute, mais pas le soir de Noël. De Noël. Enfin, après avoir embrassé maman, dans mon lit, je m'endormais en rêvant qu'à Noël. À Noël. Je mangerai des gâteaux, j'aurai de beaux cadeaux, des automécaniques et un train électrique à Noël. So again, in our series of Christmas songs that are not commonly known or not widely part of what the Christmas songs, here we have François, Claude François, who sings En rêvant à Noël, Dreaming of Christmas. And that's not the white Christmas that we all know from, from Bing. What he sings about, of course, is that he is sitting there in the evening eating his soup, but he's dreaming of Christmas, of the what he expects to get at Christmas. So cakes and gifts, autos, erector sets, and even an electric train. So he sings about how glad he is that Christmas is coming around. There's another bonus there. He sits at home and does his homework for school every day. But on Christmas Eve, he doesn't have to do this. So that's almost worth as much as an electric train. But anyway, here you have Claude François, who was well known in the 60s, singing the Dreaming of Christmas. And it's a different thing. I mean, I'm sure you don't hear this anywhere when you go outside. So this is we're trying here hard to get you Christmas songs that are not in the ordinary and are not what everyone else is singing. Et maintenant, quelque chose de différent. Olaf a pu enregistrer une conversation courante de RFI, Radio France Internationale. C'est le Noël dans les pays différents, et surtout en France. Je crois qu'on va écouter que la France. Hein, oui. D'abord, on écoutera. Laisse-moi, je vais donner une introduction. What we're going to hear is a conversation at Radio Internationale France in which they talk about Christmas. une spéciale de Noël. And story, or it's not a story, it's just a conversation between various people who are in the studio of RFI, and they talk about Christmas, about how it's celebrated, and of course first in France. So the woman announcer is she talks about her how she's dealing with Christmas in a small Parisian apartment. So how she has to shoehorn people into this apartment, and then how they are preparing dinner. And she says she is going to give everyone has his job. So one of them is going to cook or prepare the salmon, which she wants to have, and everyone has his or her task. So this is about her Noël in Paris. And they talked to a young girl from Brazil who has been living in Paris for 15 years. And she is give some information about, they're all curious about what happens in Brazil. And so she gives a little introduction of what the customs in Brazil are. And that's the first part that we are going to hear. On termine, tu veux? Il veut terminer alors qu'on n'a même pas encore commencé l'émission, je comprends rien. Qu'est-ce que tu bois là? Du jus de cajou. Tu sais à combien ça chiffre ce que tu bois là depuis une demi-heure? C'est 50 degrés. Tu te rends compte encore que tu es parmi nous ou pas? Ben je suis encore après 2-3 coups ça va, peut-être 7 je partirai, mais bon là 2 coups ça va. Il déraille. Action. Le club RFI. Éric Amien. Laurent Sadou. Bonsoir, nous sommes au studio 158 de la Maison de la Radio à Paris. Bienvenue dans cette édition spéciale Noël du club RFI. Une émission rien que pour vous, chers amis auditeurs et amis du club, avec l'aimable Laurent Sadou. Bonsoir Laurent, comment ça va? Comme tu y vas, l'aimable Laurent Sadou. Vous en êtes un autre, cher Éric Amien. Très bien, je sens qu'on va avoir une très jolie émission, ce dont je me réjouis à l'avance. Alors pour cette spéciale Noël, rien que pour nos amis, ceux qui nous font l'amitié de nous écouter ainsi chaque samedi. Alors au sommaire, nous irons faire un petit tour de quelques clubs RFI pour savoir comment on passe Noël là-bas. Et puis Eric, nous écouterons aussi quelques notes de musique, je le dis, indispensable à la vie de l'honnête homme, spécialement choisi pour vous. Nous aurons aussi au téléphone le club RFI Cara du Togo, le club RFI de Cotonou au Bénin et le club RFI Ouagadougou au Burkina Faso. Le club RFI, de loin, l'émission la plus proche. Et pour nous accompagner, Eric, en cette avant-veille de Noël, on ne pouvait pas faire l'impasse de lancer une invitation à Geneviève Delru qui anime Religion du Monde. Je suis très heureux, nous sommes très heureux de t'avoir. Comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien. Le période de Noël, moi j'aime bien. Oui. Ouais, j'aime bien. C'est gay. C'est un peu la trêve. Exactement, trêve de Noël. Et puis, à la gauche de Geneviève, il y a Adriana de Freitas du service Brésil. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, nous irons faire un tour dans ton pays, au Brésil, pour nous dire comment on fête Noël. Le club RFI. Un espace d'échange entre vous et nous. Alors Geneviève, tu animes, on l'a dit, l'émission Religion du Monde. Tu as dit que tu aimais bien cette période singulière. Que représente pour toi Noël d'un point de vue religieux? Alors pour moi, non. Mais pour les chrétiens, pour le christianisme, via Noël, c'est Dieu finalement qui épouse la condition humaine. C'est Dieu qui se fait chair, qui envoie son Fils sur terre. Voilà, il naît dans une étable. Il va épouser la condition humaine sous toutes ses formes jusqu'à sa mort. Voilà. Et alors dans un premier temps, dans le christianisme, c'est Pâques, fête de la résurrection. C'est ce qui demeure la fête la plus importante. Noël est venu après, mais il faut dire que pour beaucoup de chrétiens quand même, Noël, du fait de sa dimension, je dirais, familiale, de sa dimension sociale, est peut-être la fête, alors peut-être pas plus importante, mais la plus fêtée, j'allais dire, la plus joyeuse. Elle gagnera, à mon sens, à être vécue avec un peu plus de modération. Alors ça, je suis bien d'accord avec vous. Effectivement, Noël, aujourd'hui, il y a la, voilà, et gagné par le matériel, ça c'est certain. Il n'empêche, il est permis de faire la fête, Eric. Ben oui, on peut faire la fête. Noël est fêté aussi au Brésil. Nous avons Adriana qui est à côté de nous. Elle va nous dire un peu comment ça se passe, Noël, chez elle au Brésil. En fait, au Brésil, il y a deux Noëls. Il y a le Noël des gens de la côte, qui sont surtout des descendants européens. Donc, comme on dit, c'est très commercial. Dans les centres commerciaux, on voit des Pères Noël qui viennent, malgré la chaleur. Ils descendent, des fois, dans des hélicoptères pour donner des petits gâteaux, pour jeter des petits gâteaux comme ça pour les enfants. Et puis, il y a le Noël à l'intérieur du pays, des gens un peu plus modestes. C'est un Noël mélangé hein, des cultures. Parce qu'il y a simplement la culture européenne, mais on mélange afro, la culture indienne. Alors, comment ça se passait précisément à 24 décembre dans ta famille? Ah, dans ma famille, ça veut dire que je suis venue en France, j'avais 15 ans. Donc, j'ai quelques souvenirs. Et ce qui se passait, c'est que Noël chez moi, on attendait toujours la messe de minuit. On appelle au Brésil la messe du coq, parce qu'en fait, le coq chante pour la première fois, c'est pas au lever du jour, mais à minuit. D'accord. Et alors, après la messe de minuit, on passe à table. On passe à table. Qu'est-ce qu'on nous sert alors au Brésil? Alors au Brésil, chez moi, ce qu'on me servait, c'était du canard. Pauvre canard qu'on élevait pendant 2 mois. Il court encore. Et à Noël, il se retrouvait avec nous à table. Mais bon, les enfants n'étaient pas au courant. Et on attendait comme ça la venue du Père Noël qui arrivait juste après le dîner. Geneviève, on l'a dit, Noël, c'est là dans quelques jours. Comment ça se passe chez toi? Comment ça se passe chez moi? Quelques mots. Alors, c'est une fête, j'allais dire, classique, fête de la famille, mais maintenant viennent des amis qui n'ont plus de parents, etc., qui sont un petit peu seuls. Donc voilà, c'est un Noël un peu élargi. Pour rien vous cacher, c'est moi, cette année, qui reçoit toute la famille. Mes frères, mes sœurs, des amis, etc. On va être une vingtaine à la maison. On va leur faire de la place parce que les appartements parisiens ne sont pas immenses. Mais ça va être, je pense, effectivement très, très joyeux avec toutes les générations confondues. L'appartement est décoré? Oh, évidemment, mais ça, c'est la joie de Noël. Parce que tout à l'heure, je vous disais, j'aime Noël parce qu'il y a une poésie de Noël. Ça, c'est vrai. Le sapin, il y a une poésie. Et pour rien vous cacher, j'étais en mission récemment en Égypte. Voilà. Et j'ai acheté, avant de partir, au souk du Caire, des sortes de boules, des boules en verre, parce qu'il y a un très bel artisanat en Égypte, qui seront dans le sapin. Donc, ça sera un petit peu mon sapin d'Égypte cette année. En deux mots, une idée du menu du réveillon, c'est toi aussi qui t'y colle? Alors, c'est moi aussi qui m'y colle. Alors, j'étais jusqu'ici en pleine hésitation. Finalement, bon, il y aura un peu de saumon. Voilà, du saumon. Ça, c'est mon neveu qui va le préparer. Ça, c'est très bien. Parce que je mets tout le monde à contribution. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors, du saumon. Et du saumon, et puis de l'agneau. Voilà. Club RFI, de loin, l'émission la plus proche. Alors, on va remercier nos amis qui nous ont apporté. Alors, dis-moi ce que c'est que tout ça. Alors, voilà, j'ai apporté. And then we can pick it up. So, you heard the first part of this conversation between members of RFI, and these were Eric and Laurent, and then Geneviève Bellerue, who gave an explanation of what Christmas is, and then how they celebrate it in a small Parisian apartment. And at the same time, they were asking the correspondent for Brazil, Adriana, how they celebrate Christmas, and she said two kinds. One near the coast, where most of the descendants of Europeans live, and then a different kind of celebration in the interior, where there are a mixture of Afros, Indians, natives, and so on. But we are getting pretty close now to almost time for our station break. So we have to tell you that vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio, communautaire KFAI 90,3 FM à Minneapolis et 106,7 FM à Saint-Paul. Radio sans frontières. Sans frontières, mais oui. Voilà. Non, mais... You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM Saint Paul. Radio without boundaries. Joyeux de Noël, ouais, joyeux Noël à tout le monde, à tous nos auditeurs. Merry Christmas to everyone. This is Christmas Day. This is Christmas Day. I can't believe it, and we're sitting here in the studio. And you're listening to Bonjour Minnesota. I'm Carol. And I'm Olaf. If you're out there, you might like to give us a call here in the studio. We'd love to hear from you. Let's see, that number of the studio while the music is on is 612-341-0980. If you're listening at home, we want to hear from you and see what you're doing for Christmas. Exactly. This is what this story from France RFI was about. What are these people doing for Christmas? Yes. What I can't imagine is why don't they talk about Le Réveillon en France? It is the big event, aside from, well, if you're a churchgoer, of course you go to church, to Mass. And in France, at midnight, at least in Notre Dame Cathedral, they put a real baby in the creche, in the manger scene. And then everybody goes home and has this huge, wonderful dinner. Yeah, I think they mentioned Réveillon. Did they? Somewhere later on, I think. Well, it's... Yes. But I think the biggest, even the bigger Réveillon, c'est pour la Nouvelle An, pour... Well, the ones I went to were both wonderful. And both started out with les huîtres. Oysters, yes. Oysters raw in the half shell. Yes. And here, Geneviève Bellerue, she talks about having salmon and agneau and mutton or lamb. Leg yes. of lamb. Leg of lambs. Probably gigot. Gigot, yeah, uh-huh. that's... Leg of lamb is the preferred dish for holidays. Exactly. No turkey or ham there. Eh bien, alors, on va continuer un peu avec... we need to tell you it is 9:01 p.m. Central Time here in Minneapolis and St. Paul. And 4 o'clock in the morning in Paris. And Christmas is already passed. There, Christmas is passed, well, mm-hmm. yes. But most people usually take a day or so later. Well, I mean, this in France you only have Christmas Day, but in Scandinavia and yes. Germany you have 2 days of Christmas, the 25th mm-hmm. and the 26th, mm-hmm. which I think... is much more civilized than just having one single day. So, and basically people in those countries, the Christmas Day, I mean, the 25th, they stick around. I mean, it's strictly family. Mm. And you also don't want to call people on that day. I mean, by phone or just visiting people, that's done on the second day, on the 26th. Mm. And what's about the English? Don't they have something that they call... Oh, Boxing Day. Boxing Day, and that is the 26th too, isn't it? Well, yes, that's when you return the gifts that you want to return. Bring the boxes in. Oh, is that what is... I was going to say something else about Le Réveillon, I think. It's always finished at Christmas time. By the favorite dessert called La Bûche de Noël, Yule Log. And you, actually, in the Twin Cities, there are a number of venues where you can buy yes. Yule Logs or where you can mm-hmm. have them. And I think the most prominent are Chez Arnaud. On Grant Avenue. And then... Arnaud has three places. Yeah, well, he has three places. But, I mean, for those in our listening area, maybe... Grant Avenue is the best. And then, of course, you have Sofitel mm-hmm. in their Petit Marché. And of course, I mean, if you eat there and you would have the Bûche de Noël as your dessert. And Patrick also on 66. Chez Patrick. Chez mm-hmm. Patrick. So those are a few that come to mind. Call us if there are more places out there that... There's a bakery called 46 and Grand, I think it is, in Minneapolis that supposedly has them. I mean, this is too bad. So the ones that we mentioned is Chez Arnaud, Chez Patrick, and Sofitel. Those are the ones that we know of. Yeah. Eh bien, on va continuer avec cette conversation. Yep. C'est un interview, ou bien c'est une conversation, si vous voulez, sur RFI, Radio France Internationale, sur ce qu'on fait pour Noël. Au nord-est du Brésil, c'est le jus de la noix de cajou. En fait, c'est pas la noix. Mmh. La noix, on le mange en apéritif, mais le jus, le fruit. Donc voilà. Bah, on peut voilà. goûter. On voilà. va goûter. Alors, c'est alcoolisé ou pas? Non, pas du tout. Oh. C'est très frais. C'était. Alors. Ça n'a pas beaucoup de goût, mais des saveurs inconnues. C'est des altérants, oui. Inconnus comme ça. Et alors là, il y a un autre, extrait. Là, c'est autre chose. Là, c'est du sérieux, là. Là, c'est oui, c'est pour les adultes. Ah, mais là, j'ai 18 ans. Je conduis au retour. Je peux prendre. On a tous 18 ans, plus de 18 ans. Donc c'est bon. Allez, on goûte là. C'est l'autre vibre. Qui n'est pas du rhum, il ne faut pas confondre les deux. Le rhum, c'est quelque chose de beaucoup plus distillé, beaucoup plus doux, qu'on ajoute de l'eau. Tandis que la cachaça, donc l'eau de vie brésilienne, elle est faite d'une façon, c'était avant donc, les esclaves qui buvaient du jus de canne de sucre. Oui. Pour donner du courage. Voilà. Mais pour boire, ils le faisaient bouillir un petit peu pour enlever toutes les bactéries. Oui, bien sûr. Mais ce n'était pas fermenté jusqu'au jour où donc on l'a fermenté jusqu'à 70 degrés. 170 degrés. Jusqu'à 70 degrés. J'ai très peur. Mais il est moins distillé, donc il y a moins de processus. Et là, on a rajouté le jus de cajou donc, dedans et on l'a laissé macérer. Et là, on est à combien là, c'est ce qu'on veut savoir. Et là, vous êtes à 50. Oh, là, on est à 50. Voilà. 50, ça va. Je peux prendre ma voiture après et ma bicyclette ensuite. Ah, moi, j'en goûterais bien un petit peu, si la faculté le permet en cette période. Il a déjà tout terminé. Je vais donner le mien, Laurent. Laurent, je donne le mien parce que je ne suis pas sûre quand mesdames, même de messieurs, je vais lire. À de tels degrés. Ça chauffe un petit peu la gorge. Non, c'est parfait. Je vais boire dans le verre de Geneviève Delrue et comme disait ma grand-mère, mon petit Laurent, tu vas lire dans mes pensées ce qui n'est pas de ton âge. Et puis moi, je vous ai apporté des chocolats. Alors, je sais que c'est très très mal élevé de choisir. Vas-y, choisis. Mais j'ai tout choisi. Tout est permis. Mais elle choisit. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais qu'on puisse en envoyer aux auditeurs, mais je ne suis pas sûr que ça supporte le voyage. Laurent Sadoux, Éric Amien. Voyons maintenant, Éric, avec nos amis du club, comment ils fêtent Noël chez eux, dans leur pays. Bonsoir Milena Waike, tu es à Kara, au Togo. Alors, on voudrait savoir, en ces fêtes de Noël, comment ça se passe à Kara? Ben, écoutez, bonjour Eric, bonjour les auditeurs de RFI. La fête de Noël, c'est comme partout, hein, ça se passe de la même manière. L'ambiance, la préparatif, les activités pour une bonne et belle fête. Hein. Et comme toute fête de Noël, c'est pour les enfants, comme on le sait. Les cadeaux pour les enfants, on les prépare. La nourriture a consommé le jour de la fête également. Hein. Alors, qu'est-ce que vous préparez pour les fêtes comme nourriture? À part une particularité, comme d'habitude, c'est peut-être du riz, de la salade, hein, c'est peut-être aussi de macaroni. Hein, c'est la fête, on peut préparer même la pâte du maïs, ça dépend de la famille, ça dépend de ce qu'on mange d'habitude. Hein. Et surtout du foufou, base de l'igname. Hein. L'essentiel, c'est qu'il y a à manger pour tout le monde, que tout le monde soit en joie, accompagné de la viande du porc, la viande du chien. La viande du chien? Oui, la viande du chien, c'est un animal qui est souvent sacrifié pour des cérémonies chez nous, en pays cadien, pour les fêtes de valeur, pour la lutte. D'accord. La lutte traditionnelle chaque année. Alors, est-ce que vous avez une boisson particulière pour cette fête? Oui, on la consomme aussi les jours ordinaires, hein, mais on peut aussi la faire particulièrement dans une maison, on peut décider de la consommer, la préparer pour spécialement la fête. Du choukoutou. C'est préparé à base de sorgho. Et puis après, il y a la musique. Oui. À partir de 14h, quand on sort dans la ville de Carache, que ce soit à Lomé également, quand on sort en ville, il y a de l'ambiance, il y a de la musique partout. On est en fait, quoi. Toute la ville a jailli. Bon, voilà, ça continue. Et ce soir-là, donc, tout le monde participe à la fête, quels que soient les chrétiens ou les musulmans. Oui, bien sûr. Et je disais également que la différence, c'est que c'est au niveau de la consommation de la nourriture. On ne peut pas servir lors de la fête de Noël ou de Bonne Année et à un musulman, on le sert un plat accompagné de viande de porc ou de viande de chien. Oui, comme les chrétiens savent cela, on fait un plat accompagné de la viande du bœuf, de mouton, pour qu'eux aussi se sentent dans la fête, parce que la fête de Noël, ce n'est pas pour les musulmans. Mais on peut partager cette joie de vivre de nos voisins. Hein. Donc, c'est comme ça se passe en fait. Milena Waike, on rappelle que tu es la présidente du club RFI Kara. Joyeux Noël! Merci Eric. Bonne fête à tous les auditeurs de RFI, à toi particulièrement, et consommez bien les boissons canettes à nous réservant. Hein. Merci Milena Wake, merci aux amis du Club RFI Cara. Joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à vous tous. Joyeux Noël, Milena. Elle est sympa. Alors, peut-être un commentaire, je viens vite. Eh bien, j'imagine nous sommes au Togo. Hein. Nous sommes au Togo, mais j'imagine deux secondes, posant sur la table un chien, en disant, voilà, c'est une nouveauté, cette année, on va faire comme Milena au Togo, on va manger du chien. Peut-être que tu aurais moins de personnes à table. Ah, je crois que ça créerait une certaine surprise. Tu peux le faire croire. Eric, une autre destination, peut-être? Oh là là, oh là. Well, we heard the second part of this short presentation of what is called the Club RFI. These are different clubs in various countries and various cities that get together and that kind of have an interchange with RFI. And this one was about Christmas. The first part, of course, you heard. The second part then, again, simply goes... talks about further about what they were drinking in Brazil for Christmas, and then they went to Togo to talk to Melina, and they were asking how what do you prepare for dinner? Well, she said chicken pork and dogs, and this is not hot dogs, and this is dogs. And they were all the French counterparts were kind of aghast. What about this? But I mean, that seems to be perfectly okay. It's an old custom. You have a dog, and so that ends then with the commentary of Eric and Laurent to Geneviève Bellerue. So, what if you were to present or offer dog for a Christmas meal? Well, she said. Might be some a new idea, but probably the number of of guests might be seriously reduced if they knew what it is. So this was a short presentation of banter and discussion about Noël by RFI Club RFI from the studios of RFI in Paris. Radio France Internationale. Alors, il faut faire une annonce. Wake up with the Morning Blend, KFAI's new weekday morning show every Monday through Friday from 6 to 8 a.m. Start your day with Dale Connolly and the news team, who bring local stories you won't hear anywhere else. And music's part of the mix. KFAI programmers provide the soundtrack to the morning blend, from folk, rock, and pop to jazz, blues, and world beat. It's music and news every weekday morning from 6 to 8 a.m. The Morning Blend. News and music produced locally for you. Here on Fresh Air Community Radio, KFAI. Bon, maintenant, on va écouter quelque chose de traditionnel sur un LP. Et ça va être d'abord les chanteurs chorale Les Chardonnerets de Nancy. Alors, c'est une chorale d'enfants. D'abord, ils vont chanter D'où viens-tu, bergère? Et ensuite, le même groupe, chorale Les Chardonnerets de Nancy, chante Un flambeau. Jeannette Isabelle, deux chansons de Noël bien connues, je crois. Sur terre, il n'a son pareil. Rien. Jésus, bonne joie du amour, le Christ est né, Marie appelle. Ah, ah, ah, que la mère est belle. Ah, ah, ah, que l'enfant est beau. C'est un tort que l'enfant sommeille, c'est un tort de crier si fort. Taisez-vous l'un et l'autre d'abord, au moindre bruit, Jésus se veille. Chut, chut, chut, il dort à merveille. Chut, chut, chut, voyez comme il dort. Qui vient là frappant de la sorte, qui vient là frappant comme ça, ouvre donc, j'ai posé sur un plat le bon gâteau qui si j'apporte. Toc, toc, toc, ouvrez-nous la porte. Toc, toc, toc, faisons grand gala. Doucement dans les tables closes, doucement venez un moment. Approchez que Jésus est charmant, comme il est blanc, comme il est rose. Tout, tout, tout que l'enfant repose. Tout, tout, tout qu'il rit dans. Well, we heard two songs, two Christmas songs, from the Chorale des Chardonnerets de Nancy, accompanied by some various well-known singers, sopranos. These are songs that you probably will not hear that much. The first one was D'où viens-tu, bergère? Whence come you, shepherdess? And she sings about, the chorus asks, whence come you, shepherdess, whence? And then she tells, she came from a stable where she was walking, and she saw a miracle that happened. And what did you see? What did you see? Says the chorus. And then she says, I saw a little child placed ever so tenderly upon the fresh straw in the manger. And so then, and on it goes, I mean, to talk about St. Joseph and St. Mary and about angels that have come down to sing praise of this event. The other one, so this was D'où viens-tu, bergère? And the other one is Un flambeau, Jeannette Isabelle, a torch, Jeannette Isabelle. And they sing about a torch. And let us run to the cradle. So they need to lighten up the night to get there. It's Jesus, good folk of the hamlet. Christ is born. Mary is calling. Oh, how lovely is the mother! How fair the child! And this is the content of the song. Of course, hush, hush, she sleeps soundly. And who's knocking on the door? Well. Then they bring fine cakes, and they have brought with me, and they knock on the door, knock, knock, and let's have a grand celebration. And actually, the soprano is Martha Schlemme, who is a well-known folk and singer, and she actually was in St. Paul singing at, this is several years ago, they sang Jewish Hanukkah songs. And this is maybe 10 years ago or so. And she, a very nice voice and very nice. So I was astonished to see that she is, Martha Schlemme is the one who is singing here. So here, these were two chansons de Noël out of the ordinary from what we are used to. Merci. Alors, here's a couple of announcements of what's going on in the Twin Cities. The Alliance Française ask to consider them in your year-end giving. They have already raised almost $11,000 towards their goal of $25,000. Help us reach our goal, they say. So contribute to the Alliance Française. It goes to support all of our programs, including High School Scholarship Fund. Winter session at the Alliance starts January 7th through March 16. You can learn grammar classes. You can practice and reinforce your speaking skills in conversation, all kinds of topics. Check out their website. It's bonjour at AFMSP or call them at 612-332-0436. There's a shortened 5-week classes, many of them, maybe perhaps you don't have enough time to do a longer class, but these will help you. French for Travelers, it's a crash course in survival French, meeting on Thursdays, January 10th through the February 7th, or Fridays, February 15th through March 15th. Are you a history buff? Well, there's a class, a 5-week class called Les Rois et Reines de France, the Kings and Queens of France, taught by Damien in level 3 and above, Tuesdays, January 8th through the 5th of February, and many review classes. There, you may give a gift to a friend for a membership to the Alliance and receive a discounted admission to many events. There's a Chopin recital with Jean Muller, Sunday, January 20th at 3 p.m. It's Chopin, Sunday, the 20th, 3 p.m. at the Alliance Française Grande Salle. There is an entry fee. Seating is limited. Call the Alliance and reserve your place. He's a famous pianist from Luxembourg. Members' discounts on Biche Noël, we mentioned the Yule log cakes, are from Sofitel or from Chez Arnaud, the baker. January 17th, you can go and find out about the Guerrier Chinois, the Terracotta Warriors at the Minnesota Institute of Arts. The discussion is for in French for Alliance Française members only. With level of French of IN1 or higher. Limited space, reserve your place. La Fête des Rois is coming up on Saturday, the 12th of January, 7 p.m. at the Cedar Cultural Center. A great time to listen to the Café Accordion, Dan Newton and his Café Accordion Orchestra, and maybe you'll be the lucky one to get the La Fève, the little statuette found inside of La Galette des Rois, and that will make you king for a night. Well, let's see what else we have here. Oh, Michael Haneke, Agent Provocateur, will be at the Trilon, his works will be at the Trilon Micro Cinema, Mondays and Tuesdays in January. Their address is 3258 Minnehaha in Minneapolis. Alliance Française members will also receive a free bag of popcorn when they show their membership card. His new film is called Amour. And, don't forget, today was the opening day for Les Misérables, the new film that's out with an international cast who are singing while they are acting. It's not a dubbed-in tape afterwards. I know Russell Crowe is in this. It's just an all-star cast. Check it out in the local newspapers. Finally, on January 11th at 7 p.m. and January 13th at 4 p.m., the Symphonia presents Postcard from Paris featuring Arnaud Sussman on violin. These are free concerts open to all. Check with the Alliance for more details. Et voilà, c'est tout, Olaf. Non, mais on va jouer de la musique. Mais oui, mais surtout, il faut que les auditeurs qui sont intéressés par des films français, qu'ils

And that this is one of the three Maggie's name. I mean, this mm-hmm. is Balthazar, what's the other one? Kaspar and Melchior. Mm-hmm. Okay, I hope I got them right. You did. So he sings about how they depose gifts and so and to all of the little children, and it's kind of a funny song. Dutronc is known for humor and twisting things around a little bit to make people laugh. The next song by Edith Piaf, of course, is not so humorous. It's Noël de la rue, Christmas in the streets. And here she sings about children of the in the street, I mean, which she herself, apparently, I mean, according to the legend, was born on the street, practically, in Belleville, Rue Belleville. And so she feels for those little kids who are out in the streets, and Noël in the streets, Christmas in the streets, is snow and wind, and makes the little children cry. And here they go, and they have to walk through the street and can see through the windows. They can see the lights and the Christmas trees and the gifts and so on, but it's not for them. Above all, don't just look, but don't touch it. So winter is cold, and this is a sad lot of those who have no home, who have essentially have to fight their way through the streets, and to them Christmas makes it even worse, or makes them consider their lot even more sadly. So these were the two songs, and again, these are songs. C'est intéressant, cette chanson. Je crois que Noël de la rue n'est pas très connue. Elle a chanté tellement de chansons, mais je ne sais pas si c'est connu, celle-là. Non, probablement pas. Et pas parce que c'est pas, ça ne rentre pas dans le schéma des chansons, comment dirais-je, sucrées. De c'est Noël. C'est pas heureux, c'est triste. Non, c'est pas heureux, c'est triste, et ça fait peut-être penser les gens aux autres qui sont pas aussi, comment dirais-je, chanceux qui sont dans la rue, qui n'ont pas les moyens. Bon, maintenant, on va écouter La Bolduc. C'était une chanteuse canadienne. Je crois que c'était les années 30. Voyons si je peux vous dire ici. La Bolduc. C'était une Canadienne des années 30. Une vraie légende de Québec. Je traduis de l'espagnol. Pardon. Et ça va être suivi par Charles Trenet. Chanson pour Noël. Oh, des Gremlins. All right, so we will still... Peut-être tu peux dire ce que tu as. Oui, mais moi, j'ai quelque chose. Mm-hmm. Chaque semaine, il y a le service de Radio France International qui... En anglais, s'il te plaît. Oh, yes, so I have to speak in English, of course. It's every week the news service of RFI, Radio France International, sends out various bulletins of what French people are interested in, a survey of the French press. And this time, of course, the à la une, meaning the looking at what the various newspapers write, of course, this today and this, it's this week, it's the Christmas preparations and the Christmas celebrations. And, of course, going into the story of Le Petit Papa Noël, which is, well, it's Santa Claus, and they trace him back to Nicolas from ancient Turkey. But this we heard, we all know what's what, and we know how this goes, so I'm not going to go into that to great extent. One thing that is troubling the French, besides their own economic situation, is now the second what should I call it? Terrorist attack in New York. I mean, the one where a 62-year-old man kind of shot two firefighters to death with his... That was today, wasn't it? With his automatic rifle. I think last night or today. So they are watching this very, very closely. But anyway, the one thing that needs to be said is that France, pas de vacances de Noël pour François Hollande. François Hollande passe Noël à Paris. Pas de vacances cette fois-ci, contrairement aux deux semaines qu'il avait pris cet été au moment où les Français s'impatientent face à la crise. So, François Hollande, the president, is not taking any Christmas vacation. He stays in Paris, he's working. And this is contrasted to the 2 weeks that he took off in August last year. Well, not last year, this year, August, when France was in a crisis. It still is in a kind of a crisis, but then people were very much upset about the situation in France, about the economy and so on, and he takes off for 2 weeks, and that didn't sit well with the French electorate. So this time he understands, and he remains at the Palais d'Elysée, and will work, make this a working situation between now and the New Year's. I hope he still has his réveillon. I'm sure he has. So anyway, so that's François Hollande and the latest news from the French president. Alors, on va essayer la Bolduc, encore une fois, une chanteuse canadienne des années 30. Elle s'occupait surtout des chansons qui évoquent l'actualité quotidienne de l'époque, c'est-à-dire le chômage, le travail domestique et les soupes populaires. Alors, elle va vous chanter « Voilà le Père Noël » et ça, c'est suivi par Charles Trenet. Chanson pour Noël. C'est aux petits enfants que je m'adresse maintenant. Si vous voulez des présents, tâchez d'être obéissant. Voilà le Père Noël qui nous arrive. Avec ses belles reines et puis ses étreintes. Pour qu'il soit de bonne humeur, tâchez de vous coucher de bonheur. Pour qu'il soit de bonne humeur, tâchez de vous coucher de bonheur. On s'en va au magasin pour s'acheter un beau sapin. Et aussi des petites bébelles pour garnir l'arbre de Noël. Voilà Père Noël qui nous arrive. Avec ses belles reines et puis ses étreintes. Pour qu'il soit de bonne humeur, tâchez de vous coucher de bonheur. Pour qu'il soit de bonne humeur, tâchez de vous coucher de bonheur. Il faut bien se préparer pour se voir la parenté. Des beaux beignets puis des tapis, un bon ragoût de pâte. Voilà Père Noël qui nous arrive. Avec ses belles reines et puis ses étreintes. Pour qu'il soit de bonne humeur, faut vous coucher. coucher de bonheur, pour qu'il soit de bonne humeur, qu'il faut se coucher de bonheur. Quand ça vient le temps des fêtes, on se pose, me tâte, la visite ici et là, faut se coucher sur le grabat. Voilà Père Noël qui nous arrive. Salut les dames, salut les dames. Avec ses belles reines et puis ses traînes, pour qu'il soit de bonne humeur, faut vous coucher de bonheur. Pour qu'il soit de bonne humeur, faut vous coucher de bonheur. Après la messe de minuit, les parents puis les amis, la table est préparée, ils s'en viennent réveillonner. Voilà Père Noël qui nous arrive. Avec ses belles reines et puis ses traînes, pour qu'il soit de bonne humeur, il faut vous coucher de bonheur. Pour qu'il soit de bonne humeur, il faut vous coucher de bonheur. Après qu'on a bien mangé, tout le monde commence à chanter, d'autres qui dansent des cotillons, qui fait prendre la maison. Voilà Père Noël qui nous arrive. Avec ses belles reines et puis ses traînes, pour qu'il soit de bonne humeur, il faut se coucher de bonheur. Pour qu'il soit de bonne humeur, il faut se coucher de bonheur. Après que Noël est passé, on voudrait se reposer, les enfants avec le bébé qui nous crie dans les oreilles. Voilà Père Noël qui nous arrive. Avec ses belles reines et puis ses traînes, pour qu'il soit de bonne humeur, il faut se coucher de bonheur. Pour qu'il soit de bonne humeur, il faut se coucher de bonheur. Il saute et danse. Les joyeux bergers, sous le ciel immense, il peut neiger. Vers l'étoile s'avancent les rois étrangers, ils sautent et dansent les petits bergers. Les vieux se souviennent des anges musiciens, ah vite que reviennent les Noëls anciens. Mais les jeunes s'élancent, ivres de courir, vers la plaine immense dans l'avenir. La cloche a sonné, l'enfant Jésus est né, la vache et le veau lui disent bonjour, bravo. Un coq a chanté, l'enfant Jésus est né, l'oiseau a répété, depuis longtemps, je l'attendais. Il saute et danse dans la nuit de Noël. Sur les routes de France, les anges du ciel. Et chacun s'enchante de les voir ainsi. Le poète les chante, les enfants aussi. C'est une jolie ronde de joie et d'amour. La ronde du monde dans son plus beau jour. Sous le ciel immense, il est revenu. Noël recommence. Bonjour, petit Jésus. Well, you heard La Bolduc, a Canadian singer from Quebec, and she was especially well known in the 30s, and she actually did a lot on socially sensitive themes. But this one, of course, is not so controversial. Voilà le Père Noël. Here is Saint Nick. Here is Father Christmas, and what she sings about, of course, is in a beat that is very similar to, I mean, very characteristic of Quebec, and the way that they sing. What do they call this? Podo, Podorhythma avec Podorhythma, les pieds. They clap, they tap their feet to this to this rhythm. And this song is entirely in this Québécois rhythm. And she says, "Oh, okay, well, you here we see Père Noël who comes in with all his reindeers, and in order to keep him happy, children, you have to go to bed early, and you have to obey your parents, and after having dined well, I mean, you better go to bed and you behave. I mean, this is all, what should I call this? I mean... Propaganda for the little kids. Propaganda for how to keep little kids at bay. So anyway, she sings about Père Noël and his reindeers who are coming, and it's a very nice song to the beat of what would you call this? Acadian music? Okay, it's not Cajun music, but the special Acadian music. So, and then the other one, of course, was. Charles Trenet, Chanson pour Noël, in which he sings a song about Christmas. And he sings about, of course, the shepherd is coming, the three kings are on their way, angels are coming down, and you hear the bells ringing, you have roosters. What do roosters crowing? They crow. Crowing, and the animals talking, etc., etc. And here the child is born, and joy and love is all over the place under the immense sky. So, bonjour, petit Jésus. Bon, maintenant, on presque est à la fin. Oh, j'ai presque oublié. Annonce. Did you miss your favorite KFAI show? Go to KFAI.org and click on Archive. Listen to any of KFAI's locally produced shows at any time. KFAI, Radio Without Boundaries. Online at KFAI.org. Et voilà, on va écouter Catherine Sauvage, Le Noël des ramasseurs de neige. Et ça va être suivi par Barbara Hendricks. Douce nuit. Nos cheminées sont vides, nos poches retournées, nos cheminées sont nos souliers sont crevés et nos enfants livides dansent devant nos buffets. Et pourtant, c'est Noël, Noël qu'il faut fêter. Fêtons, fêtons. Ça se fait chaque année. Oh, et la vie est belle. Oh, et joyeux Noël. Mais v'là la neige qui tombe de tout en haut. Elle a dû se faire mal en tombant de si haut. Courons, courons vers elle, courons, courons avec nos pelles. Courons la ramasser, puisque c'est notre métier. Jolie neige nouvelle, toi qu'arrive du ciel, donne-nous des nouvelles, des choses de ce côté. Dis-nous, dis-nous la belle, dis-nous en vérité, quand est-ce donc à Noël tomberont de là-haut les dindes de Noël avec leurs dindonneaux. Les dindes de Noël avec leurs dindonneaux. Nos cheminées sont vides, nos poches retournées. Nos cheminées sont vides, nos souliers sont crevés. c'est Noël qu'il faut fêter. Fêtons, fêtons Noël. Ça se fait chaque année. Oh, et la vie est belle. Oh, et joyeux Noël. You heard two Christmas songs, one by Catherine Sauvage, Le Noël des Ramasseurs de Neige, the Christmas of the people who shovel the snow, and the other one was by Barbara Hendricks, Douce Nuit, Sainte Nuit, Stille Nacht, or Silent Night. So we end with one traditional Christmas song, so that you're not totalement dépaysé. And we have to say goodbye, and again, Joyeux Noël pour ceux qui restent. Au revoir et Joyeux Noël à la nouvelle année, la semaine prochaine. Voilà. Au revoir. Au revoir. À la semaine prochaine.